Ah, c'est de calice, là, vous allez savoir pourquoi ça s'appelle la folie choquée, mon petit blog à la marre de tabarnak. Ah, j'étais dans mon char, j'écoutais Julie Pelletier. Je l'écoute parce que ça me fait mal à la tête, mais on dirait, je sais pas, je suis un peu maso, Chris de bâtard. Là, il y a une folle, Chris, qui appelle pour dire « Calvaire! » Mon chum, là, je l'aime, c'est le plus beau chum de ma vie. Sauf qu'il veut pas me présenter avec ses parents parce qu'il me dit que ses parents, il est pas en bon terme avec ses parents et puis il veut pas vraiment m'en parler. Fait que là, oh, à ta boy, là, dit, je peux pas vivre avec ça, moi, pas voir ses parents. Parce que, tu sais, je l'aime, il faut absolument que je vois ses parents parce que je pense à le laisser si je peux pas voir ses parents. De calice. Ok. Fait que là, tu dis, Julie Pelletier, regarde, c'est une thérapeute, elle va y expliquer les mystères de la vie. on vit pas dans ce monde-là. Dans ma tête, à moi, du gars, le gars, là, il est adulte. Là. J'imagine qu'il y a des raisons. Il doit avoir au moins une raison. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des bonnes raisons, là. Il a pas besoin d'avoir des bonnes raisons pour pouvoir vouloir voir ses parents. On n'est pas obligé de vouloir voir. On a le droit d'être cave. C'est un droit inaliénable. C'est un droit inaliénable que d'être cave puis d'être cave envers ses parents. Tu peux pas aller en prison parce que t'es cave ou parce que t'as pas le goût d'aimer quelqu'un. Non. En tout cas, Julie Pelletier, il dit « Ah oui, t'as raison, ma fille. » Avec toute la complaisance qui se peut, c'est écœurant. Elle vient de battre des records, des records de complaisance. Ça a pas de sens. Tu as tous les droits de vouloir y demander. T'es même forcé d'y forcer, d'y dire, d'aller voir ses parents. C'est aujourd'hui. Calice, c'est quoi la date aujourd'hui qu'on s'en rappelle? Que, le 21 juin. Et la journée de l'été. C'est le pas l'équinoxe, là, l'autre affaire. Là. C'est le contraire de l'équinoxe. Donc, regardez donc dans Wikipédia, comme je fais tout le temps. Parce que j'ai pas de mémoire. Bon. Fait que là, vous êtes obligé d'y demander, d'avoir ses parents, parce que là, vous êtes... Vous allez devoir mettre fin à la relation parce que comment voulez-vous, en tant que femme, vivre votre vécu de femme sans connaître les parents de votre conjoint? Ça n'a aucun sens, franchement. Pensez-vous vous pouvez être une femme sans connaître les parents de votre conjoint? Non, non, c'est impossible. Ça vous regarde. Dans le fond, vous êtes légitimé. Ah, ouais. Ok, j'ai exagéré beaucoup, là, mais elle a dit que vous êtes légitimé de forcer votre conjoint à vous présenter ses parents, peu importe les raisons. Non, parce que lui, dans le fond, là, ses raisons, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, sans qu'on sache pourquoi, il est cave. Tu sais, c'est vraiment excellent. Ah, oh, c'est-tu que j'ai pas le goût de me calmer, est-ce que je vais vous passer une toune dans pas long, là? Ouais, c'est ça, la folie choquée, ouais. T'as un chum, là? Il y a des raisons, mais il n'y a pas obligé de vous les dire, les raisons, des fois. Puis quand c'est pas nécessaire, j'arrive pas à comprendre pourquoi qu'une fille veut voir sa belle-mère. Non, mais regarde, si on peut s'en passer, là. Si on peut s'en passer, là, pourquoi on peut pas fêter ça tranquillement, calice? Ils vendent de la bière au dépanneur. Acheter de la bière, fêter ça? Hey! Ça a fait bien, ça a fait une gang de moins de chialeux. Je sais pas, en tout cas. Ah. Là, je me suis fait un petit devoir à marre de ne pas parler en graineux, de ne pas parler en graineux. Et puis, de parler en gars, puis de m'exprimer. C'est important. C'est pour ça que j'ai appelé ça la folie choquée. On est rendu dans les tounes en B, mais j'avais oublié une toune en A. Je vais mettre une toune en A, puis ça va être une toune en B, puis ça, je vais essayer de me trouver une raison de me fâcher. C'est ça. Yeah. Hobbit. Et non, ouais, c'était le CD Hobbit, là. Ce que, dans le fond, ce que je veux faire, c'est passer les la musique en ordre alphabétique, mais en ordre alphabétique de d'artistes. Ben oui, parce que sans ça, c'est le bordel. Ben, de toute façon, parce que dans la bibliothèque, ils sont en classés en ordre alphabétique d'artistes. Pourquoi défaire sa bibliothèque pour une gang de caves qui écoutent un podcast, surtout que je ne l'ai pas encore publié? Bon. C'était Alice in the Serial Number, avec la toune numéro 3, Cover Up. Ah, c'est ça. Et puis, mon ordi a planté, fait que je recommence où j'étais rendu. Fait que là, j'ai passé toute la distribution des A, mais tous les artistes qui commencent par A, et le celui qui commençait par un chiffre que j'ai fait passer. Et puis, je suis rendu à B. Alors, il me reste une coupe, une bonne dizaine en A, mais c'est parce qu'ils font partie des majors ou sont trop pourris. C'est ça. ouais, en passant, c'était un groupe québécois, Alice in the Serial Number. Faut pas s'étonner, j'ai beaucoup, ce que j'ai de plus dans ma bibliothèque, c'est des artistes québécois, pas parce qu'ils sont pas chers, oui, non, c'est parce qu'ils sont pas chers, mais c'est parce qu'on en a plus ici au Québec, et puis je pense qu'au prorata versus les Américains, on est un peu meilleur en expérimental, mais électronique, tout ça. C'est parce que je pense que les Américains, les groupes expérimentaux américains, se rendent pas au Québec. Je les comprends. Mettons qu'on fait un peu les losers de l'Amérique du Nord en tant qu'artiste. Ouais, je vais essayer de trouver un truc pour arrêter de parler sur le bout de la langue. Ouais, ça fait 30 ans, puis je m'en suis jamais rendu compte, puis là, je me suis réécouté, puis c'est la panique. C'est la panique. Mettons qu'entre ça, puis écouter Julie Pelletier, qui est en train de faire de la complaisance en thérapie, c'était cœur. Puis se rendre compte qu'après 30 ans, tu parles sous le bout de la langue, puis tu viens de comprendre pourquoi que le monde rise de toi. C'est un petit peu de la débilité, là. Ça, je sais pas c'est quoi qui me fatigue le plus dans la vie. Bon, en tout cas. Je cherche, et je ne trouve pas. Aujourd'hui, j'ai pu entendre MC Gilles qui a passé du pouce, mes pouces égales avec Case de Bessic. Tu tombes sur la tête, ça fait même pas mal. Une toune que j'ai tellement voulu avoir dans mes mains que j'ai jamais réussi à avoir le disque. Je sais même pas s'ils en ont fait assez pour moi. Ça doit faire 10 ans à peu près, je me rappelle. J'avais 22 ans, j'écoutais ça à CSM. Là, ça fait 8 ans. Hein? Et puis, j'ai jamais réussi à trouver le style CD. La merde, là. Si un jour MC Gilles m'écoute, ben il me l'envoyera. Ben, par la mal. Ou ben non, il m'envoyera de la merde. Ça fera pareil. Ça ou d'autres choses. Bon, je pars avec un CD en B. je n'aime pas ça. Si c'est voyager sans toi, et push me battle purple. Tout le monde me dit que je chante mal. Je voulais faire un test pour me rentendre. Ça va être ce test-là, puis vous allez y participer. C'était Bardo Pond, avec ma voix testiculaire, avec Lost Word. C'est assez débile. Comme groupe de musique, c'est un peu psychédélique. Non, même le psychédélique trouve ça assez grave, là. C'était un des meilleurs CD de l'année, oh boy, l'année 2006, je crois, d'après un ami. Et puis, c'est vraiment bon, sauf que c'est lourd d'écoute parce que c'était toujours comme ça, c'est toujours psychédélique, bing bang. Asti, j'en suis revenu de Julie Pelletier, la fille qui dit aux autres filles, dit, si votre chum là, se touche, là, ben chicanez-les, c'est pas correct. Moi, je suis une sexologue, je connais ça, l'électricité. Hey, on va passer à un autre tune, Asti. Oh boy, c'est un autre cadeau. Un autre cadeau de Merci Raymond, la gracieuseté. Oh là là, les chapeaux. Jamais je pensais pouvoir faire le cadeau. Même je l'ai échappé à terre. Et puis il fait noir. Je vais allumer ça. Black Dice, Peach and Canyon. Un CD de Black Dice. Ça fait des mois, non, des années que je n'ai pas écouté ça. C'est au Québec parce qu'il y a un petit collant de Fusion 3 dessus, comme une couple de mes CD. Fait que je mets ça, et puis vous allez m'en dire des nouvelles. Bon. pas sous-estimer Black Death. Pourquoi j'ai pas écouté ça pendant cette année? Si beau. Ouais, que c'est bon. Et c'est ça. Bon. Ouais, si pour le monde qui pensait que j'étais pas game de passer une toune de 16 minutes, ben, c'est cette fois-là. Mais ça sera pas la plus longue parce que j'en ai une couple de longues. En plus, j'en ai sûrement des assez longues dans le fond. Tu sais, un CD sur 74 minutes, là, bon, ça vous donne une idée. C'est pas mal ça. Ok, oh boy. Là, on va y aller avec un groupe que je sous-estime avec raison. Mais j'adore extraordinairement le spoken word, mais francophone. C'est drôle, hein? J'adore le spoken word francophone. En tout cas, mais le spoken word anglophone, ouais, non, ça me dit pas grand chose. Pourtant, Asti qui a du talent. Je vais passer la pire tune du CD. La tune que je préfère du CD, ça doit être la pire. Ça a pas de sens. Ça s'appelle Vas-y. À vous de savoir, à vous de découvrir la raison de pourquoi que ça s'appelle Vas-y. Ok. Hein? Vas-y. Vas-y. Hey, Zuri, you little chicken shit. You little chicken shit. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, Zuri, Zuri, vas-y. Vas-y. You little chicken shit. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Tu sais, le bonhomme bleu, là, ben, vas-y. Oh boy, ça c'était Unsavory Project de Black Dog with Black Sifichi. Non, Sifich. Oh boy, ça j'ai pas écouté ça beaucoup, beaucoup. Pourtant, c'est un bon CD, il y a de la viande dessus. Ouais, il y a des steaks. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steaks. 7 steaks. Fait que tout le monde qui connaît le proverbe. Quand il y a 7 steaks sur le couvert d'un CD, ben, tu l'écoutes. Bon, ben, c'était Vas-y. C'était une toune en high speech. Sûrement qu'il parlait avec son chien. Et puis, toutes les autres tounes du CD, c'est complètement différent. J'ai passé la pire. Parce que les autres, ben, c'est la même musique. La musique était pas mauvaise. Ben, en tout cas. Et puis. Ils se mettent à parler en anglais. Dans le fond, c'est du spoken word. Tout le CD, ils parlent, ils jasent, ils disent des affaires. Là, comme moi, je peux le faire. Mais en anglais, tu sais, ben, j'aime bien gros ça. Je meurs de rire à chaque fois que je me réécoute une émission. Tu sais, je peux la mettre 5 fois, mon émission. Je rise. Je ne ris pas, je rise. Mais ils doivent faire la même chose avec ce CD-là. Tu sais, on peut les comprendre. Ok, alors là, présentement, je suis en train de me préparer un automne, mais là, c'est du stock, c'est blanc. Ouais, c'est pas juste blanc, là, c'est le nom. C'est un nom blanc, c'est blanc résultat CBR, un petit tiret, 013. Il y a une compile là-dessus, deux CD, deux mini-CD, vraiment cool, j'adore les mini-CD, je sais pas c'est qui a eu les idées de se faire des mini-CD, là, mais c'est extraordinaire. Je me choisis une toune, puis on se garoche avec ça. Là, ça, c'était mon... C'est mon... C'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être mon cinquième CD. Et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, oh! J'espère que j'en aurai pas d'autres de 16 parce que... Oh, l'émission va être interminable. Il est déjà presque 1h du matin. Bonne Saint-Jean, tout le monde, bientôt. Ça, c'était extrêmement bon, tabarouette, et c'était numéro 5, ben oui, et, oh, je mets des affaires, je m'en rends pas compte, 5, millimétrique, les protagonistes du rien, version Québec, CA, ferme la parenthèse, composé par Pascal Asselin, ouvre la parenthèse, c'est ferme la parenthèse, 2005, Socan, guitare par Daniel Burkner. Millimétrique.com. Bon. Alors, s'il y a du monde qui aimait ça, millimétrique.com. Je sous-estimais millimétrique. C'est assez quelque chose. Allez, j'espère juste que je ne me suis pas trompé de disque. C'est blanc. Il y a deux mini-CD. Et puis, ben là, il fallait que j'en choisisse une. Là. Ça a été un des pires choix que j'ai jamais eu à faire, là. C'est débile blanc. Un petit 2 mini CD. Wow. Un vieux nain noir sourd et muet, aveugle et chauve. Oh, ça c'était juste pour faire chier un ami qui va se reconnaître. Qui arrive pas à comprendre pourquoi moi j'aime les trois quarts putains, mais pourtant, hostie que ça me reste dans la tête. Mais là, je parle de tout ça, puis on. Oh, j'en remettrai pas d'autres, ça c'est d'un 3. Puis on est rendu d'un B. Puis j'ai une toune de Blonde Redhead du CD Melody of Certain Damage. Laissons. Yes, sir. Ça c'est un autre site découverte de 2007. Ah non, mais non, non, mais non. Mais non. Ça a été fait en l'an 2000. Mais dans ma tête, à moi, ça a été découvert quand j'ai commencé à l'écouter. En 2007, mais c'est ça, c'est très vieux et c'est tellement bon. Et ça vient des influences de Sonic Youth. Quand on parle Sonic Youth, on parle de musique que j'aime. Alors, let's go avant qu'il soit trop tard. Ça, c'était extrêmement bon. J'ai fait une petite faute. C'était Blonde Redhead, ça c'est certain. Avec la toune Melody of a Certain Tree. Mais je me suis trompé. C'était Melody of a Certain Damage Lehman's Polysons. Oh boy. Ouais, ça c'était extrêmement bon. J'ai découverturé ça cette année. Pourtant, c'est vieux. J'haïs ça, découvert des affaires trop vieux. En ce moment. J'ai découvert des affaires là, des années 70 récemment. Alors bon. Et puis pour un décompte, là je commence à manquer de mots. Et puis c'est cool parce que je vais déborder, parce que je voulais faire une heure, mais là, calvaire, mes affaires, j'ai du Board of Canada. Borbo Toboy, ça va déborder. Ouais. Ben je vais faire une extension prochaine émission. Et j'y vais tout de suite avec Board of Canada. Bon, je pense que je vous ai joué un petit tour. Là, je vous ai passé du Borbo, du Babel. Hein? Borbe, Tomagus, Borbe Tomagus. Oui, Borbe Tomagus en un seul mot. Ouais, il faut pas attendre à 2h du matin pour se le dire, parce que c'est pas vraiment facile quand tu n'es pas habitué. C'était sur le CD Song of Our Mother Totas. Je pense que je vais prendre des cours d'anglais. Borbe Tomagus, Song Our Mother Totas. Ben, c'est des chansons que notre maman nous a apprises. Mais moi, ma maman m'a pas appris cette chanson-là. C'était la troisième toune, heureusement pour vous autres, parce que les autres sont de une demi-heure. Fait que c'était la toune Aftershock. Non, j'ai pas bégayé. C'était Aftershock. 9 minutes. Oh, et 3 secondes. Attends, boy. Ça, c'est un petit groupe de c'est. Ça vient de New York. Wow. Excellent. Ça a été fait. Ça fait un petit bout de temps. C'était au mois d'avril. 99. Ah, un petit 8 ans. Bon. Puis la toune qu'on a écoutée tantôt, c'était Aquarius de Board of Canada, qui est extrêmement bon. Un bon petit techno tranquille. Qui est tranquille. Enfin, là, c'est assez tranquille, je trouve, par exemple. Tu écoutes ça, c'est tranquille. J'ai dépassé de 5 minutes. Là, je voulais mettre une crise de bonne toune pour la fin, puis ça va être, je sais pas encore. Est-ce que ça va être une machine à sous ou la mandrague? La mandrague, ça a joué pas mal à CISM. Ouais, pour l'aider à partir, elle, c'est une artiste qui est complètement débile, carrément trippant, écœurant, capoté, c'est rapide dans le mille. Ouais, c'est moi, c'est toi, c'est nous autres. C'est un souvenir qui vient passer par la tête. Bon. Je suis en train de chercher, c'est ça, ouais, là, des fois je fais des choses. J'ai un CD dans la main et puis personne sait c'est quoi. Ben là, il y a une couple de personnes qui savent c'est quoi, ben j'ai dit la mandrague que je ne ferai pas jouer. La plupart des gens savent que ce que c'est que la mandrague. Ben, ils savent pas c'est quoi, mais ils savent c'est qui l'a chanté, la petite toune. Elle a passé assez souvent à la radio. Quand j'étais pas au monde, là, elle a passé. Bon, l'appareil à sous, c'est assez trop plate. Je me donne à qui me plaît. Moi, je joue à ça. Je pourrais changer. Non, je sais ce que je vais mettre. Ouais. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, c'est noir. Oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Oui, tu veux ou tu veux pas. Ouais, ben j'ai d'ardo, j'ai assez écouté, là, puis j'ai assez chanté. Cette tune-là à job, je chantais ça, là, la vie, pam, pam, pam, c'est une gymnastique, et c'est comme la musique. Oh, c'est, même si c'est une crise de folle, puis arrête pas de nous faire chier avec nos astuces fuck à la merde, ben je dirais fuck. Puis on va écouter cette tune-là, t'sais, elle mérite bien qu'on l'écoute deux, trois fois, bon. Fait que là, je vais laisser la fin. C'est la fin. Il me reste deux CD que j'ai pas pu placer parce qu'il est 1h10. Et puis, bonne soirée tout le monde. C'est la folie choquée.